الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة ومن هذه النعم هذا الشهر المبارك شهر رمضان ونعم الله سبحانه وتعالى ينبغي للمسلم أن يشكرها بالعمل بالسنة والاجتهاد فيها والتفقه في دين الله عز وجل كثير من الناس يجتهدون فيه لكن بسبب الجهل والغفلة وأسباب أخرى تحصل أو يحصل في هذا الشهر مخالفات كثيرة بدع وخرافات والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا لسنته عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه فست موتيفاسيون كلي بيرسونيزون في رمضان أو في غيره من العبادات ست موتيفاسيون elle doit se limiter au kitab et à la sunna comme on a expliqué dans cette introduction أن ست نعمة شهر رمضان سوى النعمة سان بينفع شهر الغفران شهر القرآن فيه ليلة أفضل من ألف شهر ليلة القدر المسلم يدوى بخزغ هذه النعمة بالسنة يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فكم من الناس يفعل فعل الخير زام الخير sont motivés à faire le bien et cette motivation elle n'est pas limitée par l'ilm elle n'est pas limitée par sunna ربما il dépasse les limites et il se fait du mal et son عمل il est rejeté من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الدين il est كامل que ce soit رمضان toutes les عبادات qui sont liées à رمضان أو الحج أو الزكاة أو العقيدة tout ça on doit suivre le Coran et le Sunna لأن الدين est كامل كما أخبر سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام il est complet أخي الكريم si t'es motivé fais des efforts في العلم حتى t'applique cette chose que t'aimes مثلا toutes les ibadats qui sont liées à Ramadan من صيام وقيام واعتكاف وأعمال البر tout ça بإذن الله c'est fondé sur le Coran et le Sunna حتى c'est accepté عند الله ونحن في هذا اليوم نقرأ ما تيسر من هذه الرسالة المختصرة لأخينا الشيخ محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أحمد بن جمال وفقه الله لكل خير il a écrit cette رسالة elle est résumée نحن on va pas tout lire on va inshallah choisir certains points qu'on voit plus importants et cette رسالة سماها تحذير المستفيد من مخالفات شهر الصيام والعيد il a cité plein de points plusieurs points qui sont répandus في الحقيقة في الأمة الإسلامية ربما ça sera répandu dans certains pays plus que d'autres dans certaines contrées plus que d'autres على كل حال il a cité ces points pour mettre en garde كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة cette رسالة c'est une نصيحة للمسلمين Il a cité des points, des erreurs, des bid'ahs, des innovations, des khurafats, des choses qui n'ont aucun asl dans le kitab et le sunna. Il les a cités pour mettre en garde. Les annas, ces choses, elles sont répandues fil l'umma. Il n'y a aucun dalil. C'est des inventions, des stihsan, des personnes, ils ont une bonne niya, ils pensent que c'est mieux. Et comme on a dit, Anna-had-din, il est fondé sur le kitab et le sunna. Had-din, si t'as un dalil, fa-tayyib, si t'as pas de dalil, fa-otruk. Qala jalla wa ala, wa ma ataakum ur-rasul fa-khuduh. وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب هذا الدين التوقيفي si on a un dalil on fait on a pas de dalil on fait pas même si on pense que la chose elle est bien اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان كل بدعه ضلاله قال ابن عمر وان راها الناس حسنه toute bid'a chaque innovation c'est un égarement même si les personnes ils pensent que c'est un bien ايها المسلمون ايها الاخوه لا بد أن نتفقه بدين الله نحن ولله الحمد نغطخي في هذا الشهر المبارك شهر رمضان لابد المسلم يكون الصدي يلابخون لغاية ولله الحمد نغطخي في دروس متعلقة بشهر رمضان سا بإذن الله سا كومبلت هكذا المسلم quand il y a une مناسبة il veut faire الحج il apprend son دين il apprend الحج comment faire الحج il y a des choses qui contredisent il y a des choses c'est des bidas c'est des innovations il apprend حتى il applique le خير il s'éloigne du شر وهكذا الزكاة هكذا الصلاة من باب أولى وقبل ذلك العقيدة والتوحيد والله المستعان il a cité plusieurs chapitres والترتيب il est طيب il a cité l'ordre avant de voir la lune, ثم رد في رمضان ثم السحور ثم jusqu'au عيد. On lit ce qui تيسر ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الفصل الأول, le premier chapitre, مخالفات قبل دخول الهلال. أي avant l'apparition de la lune. On n'est pas encore fait Ramadan. Alors, cette période, on est à la fin de Sha'ban. Wa hunak mukhalafat. Al-oula, taqaddum Ramadan bi sawm yawm aw yawmayn illa liman wafaqa siyam. Première mukhalafa, ana ba'd an-nas. Il jeûne un jour ou deux jours avant Ramadan. Hadha la yanbaghi. لأن ces deux jours, on va commencer à rentrer dans les doutes. Est-ce qu'on va jeûner Ramadan ou la? À la personne, la yassoum. Illa, celui qui a un siyam à faire. Matalan, il jeûne tous les lundis, tous les jeudis. Si ça tombe à un lundi, il jeûne. Si ça tombe à un jeudi, il jeûne. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ديكونسي إنه زانتغدي لا تقدموا رمضان بصوم بيوم ولا يوم إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم شوف une personne qui a l'habitude de faire un siyam مثلا il fait siyam داود un jour sur deux أو lundi et jeudi هذا يصوم الحديث متفق عليه المخالفة الثانية في هذا الباب الاعتماد في دخول الشهر على التقاوي c'est-à-dire se baser sur les calendriers pour connaître le début du mois وهذا c'est pas من دين المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر برؤية الهلال النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré أن c'est mois lunaire c'est des mois lunaires enfin, le début il commence avec l'apparition du croissant lune أما les calendriers enfin, c'est pas assez précis أبدا فمن البدع c'est une bid'a de se baser sur le calendrier pour connaître l'entrée de ce mois. L'Ianna, ce mois, c'est une ribada. L'entrée de Ramadan, ça implique beaucoup de choses. Maintenant, la nuit, ça implique qu'on fait salat tarawih. Tumma. Dans la nuit, tu dois prendre le repas du sahur. Tumma, après le fajr, tu ne manges plus. Tu ne bois plus. Et toutes les interdictions de Ramadan. Jusqu'au Maghreb. Tout ça, c'est basé sur le Coran ou le Sunna. Le Coran ou le Sunna, il nous montre anna dukhul ash-shahr c'est bil ru'ya. Qala Isa alayhi salam, soumou li ru'yatih. Soumou li ru'yatih. Ay jeûnez quand vous voyez le croissant lune. Le calendrier, c'est mukhalafa wadhiha. Qala al-'allama Siddiq Hassan Khan alayhi rahmatullah wa at-tawqit fi al-ayyam wa ash-shuhur bil hisab lil manazil al-qamariyah بدعة باتفاق الأمة. إجماع العلماء إجماع الأمة que c'est une bid'a de se baser sur le calendrier, sur les calculs. Al-An, Rubama, ils ont fait des calculs. D'après eux, ils connaissent la date du jour de Ramadan un an, deux ans, trois ans, cinq ans avant. Et la haqiqa, ça c'est une cause de problème et de division. Kama Hassan, هذه السنة في فرنسا, en France, ils ont annoncé que le début de Ramadan c'était mardi. Haqiqa, ils n'ont pas vu Al-Hilal. Hatta eux, même eux, ils disent qu'ils n'ont pas vu le Hilal. Lakin, c'est leur calcul. La première fois, ils se sont basés sur les calculs sans prendre en compte la vision de la lune. Ah, ils se sont trompés. Une erreur واضحة. Hatta mercredi, ou mardi plutôt, ils ont dû annoncer une nouvelle fois que c'était pas Ramadan. Les Nains, ils se sont retrouvés seuls. Tous les pays musulmans, ils ont annoncé mercredi. Les Nains, les Sha'ban, c'est imma 29, imma 30. La nuit du 29, ils ne voient pas le Hilal. Personne ne le voit. Automatiquement, ça sera la nuit d'après. Les mois lunaires, c'est 29 ou 30. Ah, ils se sont retrouvés isolés. Ils ont dû revenir sur leur qawl et annoncer mercredi. Les Mada, les Anna, ils ont délaissé le sunnah. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خاف الفتنة. Fitna bainahum. Hatta ils ont été obligés de s'excuser, de revenir et d'annoncer que c'était mercredi. Les malades, les anna, ils sont tombés dans cette mukhalafa. Shahr Ramadan, ou le Hajj. Tout ça, c'est ru'yat al-hilal. Si on peut l'avoir, on l'a vu, alhamdoulilah. Si on ne l'a pas vu, on attend le jour d'après, ou la nuit d'après. Et tout ce qui a rapport avec l'hilal, on l'a détaillé dans les dorous qu'on a fait. Mais nous, on ne détaillera pas des masa'il. Mais on a détaillé dans les dorous qu'on a fait. Nous, c'est ibara. On cite les mukhalafat فقط. كذلك من المخالفات بعد دخول الهلال. Une fois que le hilal est apparu, on sait maintenant que demain c'est Ramadan. بعض الناس يتلفظون بالنية. Ça c'est une bid'a كذلك. Ils prononcent النية. Inshallah, غدا سأصوم. هذا في الحقيقة سنقص في الدين والعقل. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. C'est une faiblesse dans ton dit et dans ta raison كذلك. أما في الدين شيخ الإسلام il a montré que c'est une bid'a. ومن أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه أو في دين الله ما ليس منه فهو رد مردود عليه سعمل فسنقص. كذلك il a montré que c'est un نقص في العقل. أنت مثلا demain ce siam على الشك qu'il y aura une préparation. Robama, tu vas te lever pour prendre le repas du sahur. Tu vas aller au masjid. Tu vas revenir. Tout ça, la chaque face à ton sahur, ça montre que tu vas faire siyam. Il n'y a aucune haja de prononcer. Wahed, il veut se lever, maintenant avant de se lever, il prononce. Je vais me lever. Et après, il se lève. Est-ce qu'il y a une haja? Ça, c'est un aqsi l'aql. Ça ne se prononce pas des choses comme ça. Ah, Wahed, il veut faire l'eau. Il a rempli une bassine d'eau. Il lève ses manches. Il s'approche, c'est qu'il veut faire l'odo. Lakin il dit, je vais faire l'odo. C'est un axe fait din ou l'aql. Awahed, il rentre au masjid. Il a fait l'odo. Il s'est déplacé. Il est rentré dans les rangs. Après tout ça, il dit, je vais faire salat al-asr. Un axe l'aql ou din. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de prononcer. Le fait de prononcer, c'est une bid'a. Wa kullu bid'atin dhalal. Akhil Karim, ابتعد عن هذا. ça c'est منتشر جدا عند العوام. التلفظ بالنية. ثم il a cité un autre فصل. مخالفات السحور. les مخالفات qui sont liées au sahur. والسحور معروف. c'est le repas avant le lever du soleil. avant le fajr. هذا السحور فيه بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تسحروا. إن في السحور بركة. فالمسلم يحتسب لله عز وجل. Il prend ce repas, il lui donne de l'importance. من المخالفات الحاصلة في هذا الباب الأولى ترك السحور عمدا فإن تركه على قصد التعبد وإيجاد التعب ظنا منه أنه يعظم أجره كان بدعة أو كان بدعة محدثة. هذا يحصل من بعض الجهال أنه ادلس السحور فولونتيرم. لماذا؟ حتى لا جورني دو رمضان كي va faire il aura beaucoup plus de mal et il pense que ce mal ça va lui augmenter l'ajr. وهذا لا. Ça serait bien un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'aurait délaissé. والصحابه اللي بده يسوي لا لا هسه الان مجرد استحسان il pense que c'est mieux. Cette pensée elle est fausse. Accroche-toi aux adilla. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a conseillé de prendre sahur فيه بركه et tu as du ajr. À chaque fois que tu prends ce sahur tu as une niyya. Aïe, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'es récompensé. Tu manges et t'es récompensé bi'idhnillah azza wa jalla. هذا لا. Le fait de délaisser et penser que la personne a plus de ajr. من هذا الباب كذلك بعض الناس يفوا الصيام et ils s'exposent au soleil مثلا. Ils s'exposent volontairement au soleil. حتى il a soif. Et il souffre. هذا لا. C'est من المحدثات ومن البدع. هذا الدين il est يسر. Ce dîn, il est simple, il est facile. Enfin, on le laisse simple et facile. كذلك من المخالفات تعجيل السحور يجوز بالفتح ويجوز بالضم. الفعل والأكل. On avait expliqué هذا في الدروس. تعجيل السحور في منتصف الليل. صحيح. بعض الناس ils avancent هذا السحور. إما il l'avance من باب الاحتياط. Il y en a pour lui, il faut prendre une sécurité entre guillemets, enfin le faire bien avant. Aouad al-Nas, il sait qu'il ne va pas se réveiller pour le Fajr, ou l'Iyadu Billah. Il avance, maintenant il prend le sahour à minuit, à 1h du matin. Comment il dort? Si il manque Salat al-Fajr volontairement et régulièrement, il est à la khatar. À la kulli hal, al-sahour il a un waqt précis, et c'est avant le Fajr. كما في الحديث قدر 50 آية حديث زيد ils lui ont demandé et il leur a montré la durée du prophète sallallahu alayhi wa sallam قدر 50 آية il finissait le sahour il restait à peu près 50 versets un quart d'heure 10 minutes là celui qui va jusqu'à l'adhan là على كل حال le fait de l'avancer en pensant que c'est mieux ou pour ne pas se lever pour salat فهذا c'est une مخالفة كذلك من المخالفات تحري هذا الدعاء عند السحور أو بعده اللهم بارك لنا في سحورنا التحري أي à chaque fois qu'il prend السحور il récite ce دعاء اللهم بارك لنا في سحورنا هذا كذلك c'est une بدعة هذا التحري tout le temps il pense que c'est mieux de le dire نحن on demande à هؤلاء leur دليل ما الدليل على هذا qu'il faut dire ce دعاء لا السحور il n'a pas un دعاء particulier tu dis bismillah et tu manges et à la fin tu dis alhamdulillah ou les autres دعاء qui sont ثابت في السنة من المخالفات كذلك الإمساك قبل دخول الوقت تعبدا بحجة الاحتياط للإمساك on l'a cité il s'arrête bien avant et pour lui si tu t'arrêtes pas avant t'as commis une erreur c'est ça le بدعة الآن مثلا هو il va manger السحور une heure avant le فجر الحقيقة il est pas obligé de manger un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure avant. Il a le droit de manger une heure avant. Là, le fait de croire que c'est mieux, et celui qui ne mange pas une heure avant, il se trompe, c'est ça le bid'a. Il y en a un, la personne, il invente une chose, fidinillah. Si toi, tu décides de manger une heure avant, maintenant on te dit, le mieux, c'est de retarder. Une demi-heure avant, tu finis 5 minutes, 10 minutes avant l'adhan, tayyib. Hada afdal, comme il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma, ce soi-disant, ihtiyat. L'ihtiyat, c'est la sécurité. Hada la. ثم ذكر الشيخ حفظه الله الفصل الرابع مخالفات متعلقة بأذان الفجر صحيح في أيام رمضان بعض الناس في أذان الفجر ils inventent des choses أو ils font des choses c'est des مخالفات مثلا الأكل والشرب حين سمع الأذان الثاني مع أنه كان جالسا منتبها لا ساهيا مشغولا on fait pas le bid'a de on pense que c'est mieux de faire sahur deux heures avant كذلك on dépasse pas les limites une fois qu'il a fait l'adhan يا أخي prépare-toi مثلا tu sais que l'adhan à peu près c'est à 5h du matin مثلا à 5h moins 10, 5h moins 5, t'es prêt, hein, t'as fini. T'as fait l'ordre et t'as ton salat. Les gens, ils ont... Il est assis, il n'est pas mechroul. Il attend l'adhan volontairement, il boit. Ah oui, mort. Hadala. Bien sûr, bichard, c'est que ce adhan, il soit à l'heure. Si l'adhan, matalan, al-fajr, il est à 5 heures. On sait que le soleil, il se lève à 5 heures. Ah oui, al-fajr plutôt. Il se lève à 5 heures. Si le mu'adhin, il fait l'adhan à 5 heures, bah, on respecte l'adhan. Amma si il fait bien après ou bien avant, voilà. Al-ibra, c'est bitoulou al-fajr. Là, bil-adhan, bimujarrad l'adhan. Enfin, si le mu'adhin il est connu pour respecter l'heure, si tu entends l'adhan, arrête. Il y a des hadiths, des athars. On les avait vus dans les doros qu'on avait fait, fima athkur, anna ba'd al-salaf. Des hadiths, anna, ils mangeaient après le fajr, ou après l'adhan. C'est un hadith, en fait, ils sont ma'loulés. Lam tathbut. الحكم في هذه المسألة سيقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سيسا الحكم في هذه المسألة قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض فسيطلوا الفجر من الخيط الأسود أي العنوي الديسباري الفجر يكموس. هذا سيسا الفصل والمرجع بهذه المسألة. أما لزوت أحاديث أن بعض السلف يزو مانجي أبخ الأذان أو دي أحاديث جبهة صلى الله عليه وسلم لم تثبت. انظر كتاب إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام لأخينا الشيخ محمد بن حزام في باب الصحور إلى ديتاي هذا إلى ستي الأحاديث إلى فبلس دوس حديث دوس أحاديث. ثم إلى ستي الفصل أبخ الفصل الأذان وهو فصل متعلق بالطهارة والنظافة. لأن بعض الناس quand شهر رمضان يغوم ils pensent qu'il y a des choses spécifiques pour الطهارة والنظافة. فمن هذه المخالفات الأولى المبالغة في الاستنشاق وقت الصوم. الاستنشاق c'est de faire rentrer de l'eau dans ton nez. ثم tu la rejettes. الإنسان في شهر رمضان في النهار ينتبه. Bien, si tu forces trop, rubama, l'eau elle rentre par ton nez, elle atterrit dans ton estomac, dans ta bouche et dans ton estomac. Al-Nabi sallam amara bil mubalagha fil istinshaq illa lis-sa'im. Bien, sa'im, il n'y a rien qui doit rentrer dans son estomac, que ce soit eau ou nourriture. Fi nahar ramadan, il ne force pas trop. Il fait rentrer l'eau dans son nez, il la rejette, sans exagérer. Kadhalik min al-mukhalafat at-taharruj min al-madmadha atna' as-sawm. وهذا تشدد بغير محله والتنطع سجغلو. وعد الناس في شهر رمضان en journée quand il fait l'eau d'eau كأنه il n'ose pas mettre beaucoup d'eau dans sa bouche. المضمضة أي سغنس la bouche. Ce qui est interdit في رمضان c'est d'avaler l'eau. Ama tu te rinces ta bouche et tu rejettes, mais affiché. Pour Adanas, Kadalik, ils ont du rouleau, ils prennent une serviette et ils se sèchent la bouche. Adanas, il y a le rouleau. L'eau qui reste là, pardon. L'essentiel, c'est que tu ne fais pas exprès volontairement d'avaler l'eau. Ama des gouttes d'eau qui restent, l'amr, il est sain. Hakada, ceux qui ne se limitent pas au Coran et à la Sunna. Imma, ils exagèrent, ils se font du mal. Imma, ils délaissent des choses et ils se font du mal. Ama sunni, celui qui est cramponné au Coran et à la Sunna, الرسول صلى الله عليه وسلم il a fait l'eau pendant Ramadan. La chaque que dans son eau il s'est rincé la bouche. Sinon, on aurait eu une preuve qu'il ne se rinçait pas la bouche. La chaque que quand il s'est rincé la bouche, il ne s'est pas séché la bouche. Sinon, Sahaba, ils nous auront informé. L'eau d'eau pendant Ramadan et hors Ramadan, c'est la même chose. Sauf Palestine, chaque on fait attention. Mais al-mukhalafat kadhalik, karahiyat al-ightizal fi nahar Ramadan lit-tabarrud aw at-tanadhuf. Kadhalik hadha yahsul min ba'd al-awam. Annahu la journée de Ramadan, il n'ose pas se laver. Faire une douche. Là, affiché. L'essentiel, tu prends ta douche, tu fais attention de ne pas avaler l'eau. Kadalik tabarrud. Badanas. Kana aussi prend une douche, ça va le rafraîchir et il souffre moins. Hadala. Si tu veux te rafraîchir pendant Ramadan, mieux chose. Mais affiché. Min al-mukhalafat kadalik. Karahiyatul istiyak. Il pense que pendant Ramadan, la journée, tu ne peux pas te servir du siwak pour te nettoyer la bouche. Là. C'est mieux que le dentifrice. Le dentifrice, on l'avait expliqué, oui, durant ce Ramadan qu'on a fait. Al-Avdal, c'est de délaisser. Utiliser siwak. Là, ces dentifrices, il y a des choses qui peuvent pénétrer dans l'estomac. Al-Avdal, la personne, il délaisse. Et il applique le siwak. Amma siwak, lâche. Le Nabi, il nous a conseillé d'utiliser siwak à chaque salat. Ça englobe le mois de Ramadan. Hadi, بعد المخالفات المتعلقة بالطهارة والنظافة. Là, c'est un mukhalafat al-siyam. Toutes ces mukhalafat qu'ils ont rapport avec directement avec le jeûne. Al-oula, la première, adam at-tafaqquh fi ad-din. Khususan ahkam shahr Ramadan huna. Ça, c'est la cause de toutes ces mukhalafat qu'on voit. Ben la cause de tout le mal qu'on subit al-umma al-islamiyya, c'est bi sabab al-jahl. Emma, des personnes, ils vont exagérer. Emma, tu vas trouver des autres personnes, ils ont un laxisme, ajib. Bimada, il y en a, il n'y a pas de tafaqquh fi ad-din. Ba'd an-nas, c'est mujarrad ar-ra'y wa al-istihsan. Ils pensent que c'est mieux, ils disent aux gens c'est mieux. Mathalan, ba'd an-nas, on va voir l'exemple de al-iftar fi waqt al-maghrib. Al-Nabi sallam, il nous a montré, dès que le soleil se couche, on mange. لا تزال هذه الأمة في خير ما عجل الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم il a montré que le bien pour cette أمة c'est de manger le plus tôt possible. Quand le soleil s'est couché, on mange directement. وعد الناس بسبب الجهل. Ils ne connaissent pas ces hadiths, c'est des ignorants. Sa pensée, son opinion, il va dire les frères, c'est mieux, on retarde de 5 minutes. Il vient d'où c'est mieux هذا? Il vient إلا من عقله. Pour lui, c'est mieux d'attendre une sécurité. Ah, la sécurité, Shams, elle a disparu, elle s'est couchée. Al-Rawafid, quand Allah, ils ont fait du rouleau via Adelbab et ils ont pris en exemple les Yahoud. Ils ne mangent pas tant que les étoiles, elles n'ont pas apparu. C'est passé de 5 minutes, Al-An, ils attendent Rupama un quart d'heure. Hatta la nuit, elle tombe, les étoiles, elles apparaissent, ils mangent. Ils ont khalif al-Nabi, alayhi salam. Al-Tafaqquh. La personne, à chaque fois qu'il y a un événement, hakada Ramadan ou le Hajj, où il doit sortir zakat, al-salat, al-aqida, ça c'est tous les jours, la personne, il donne du temps. Il apprend, il étudie un livre, il écoute des doros, hatta, il sait quoi faire. Al-an, à cause de ce manque, par des nas, ils font pas des efforts, sur Ramadan, tu trouves des personnes, ils ont des as'il adib. Est-ce que je peux me brosser les dents? Est-ce que je peux mettre du parfum? Est-ce que je peux faire telle chose? Est-ce que je peux faire telle chose? Ça n'arrête plus les questions. Mais là, il ne connaît pas les ahadiths du prophète. Il aurait des règles. Anna fi Ramadan, c'est comme les autres mois, sauf ce que le prophète nous a montré. Maintenant, les autres mois, tu as le droit de te parfumer, Ramadan, tu as le droit de te parfumer. Les autres mois, tu as le droit d'utiliser siwak, Ramadan, tu as le droit d'utiliser siwak. Ou akada. Sauf si c'est un délit. Là, si je pose des questions à Jib, est-ce que je peux prendre une douche qui n'a pas Ramadan? Tu lui montres. Et dès que tu réponds à sa question, tu n'ouvres pas le bœuf à toutes les questions. Les croix, ils vont des erreurs. Un frère, il vient, il pose une question, il lui répond. Un deuxième, un troisième. Dès que tu poses une question, dès que tu réponds à une question, n'est pas. Tu dis, ya akhi, je te conseille d'étudier tel livre, d'écouter tel audio. Là, les questions, elles vont diminuer. Il y a des questions, elles n'ont pas lieu d'être posées. Deuxième mukhalafa. منع الصبيان من الصوم مع رغبتهم فيه من غير مشقة عليه من غير مشقة عليه هذا كذلك لا ينبغي. Tu trouves des pères de famille, ils ont des enfants, ils ont atteint l'âge de 9 ans, 10 ans. Il n'a pas atteint l'âge de la puberté, lakin il a atteint un âge, il peut faire siyam. خاصة في أيام البرد. أما في أيام الصيف قد يتعب. لكن نحن on prend l'exemple en hiver. Rotmama, il a 10 ans, 11 ans, il n'a pas atteint la puberté, lakin il est capable. Et il est motivé. Ya akhi, laisse-le faire siyam. C'est que du bien, il a du ajr, même s'il est enfant. Kadhalik, toi, tu as du ajr. Rotmama, c'est toi qui lui as montré, c'est toi qui l'as éduqué. Là, chaque, tu as une récompense. Si ça lui fait du mal, lakin nahnu al-an, on parle, l'enfant, il est motivé, ça ne lui fait aucun mal. Ya akhi, laisse-le. Hakada, les petites filles, si elles atteignent un âge, elles veulent mettre le hijab. Elles sont motivées, il n'y a aucun mal, elle met le hijab, même si elle n'a pas atteint la puberté. C'est-à-dire que salat, il est tout petit et il veut faire salat, il veut venir au masjid. Tant qu'il ne dérange pas, tant que ça ne fait aucun mal, il y a akhilas. La puberté, ça devient une obligation. Amma avant la puberté, c'est du bien, c'est-à-dire. ينتبه لهذا. الثالث لا تخزي المخالفة الثالثة الصبر بنهار رمضان من أجل الفطر. هذا سموك دي خلاص il voyage pour pas faire siyam. Maintenant, il sait que ça va être dur demain, il dit je vais aller faire un tour dans telle ville et je suis en voyage, donc je ne fais pas siyam. Si ton voyage c'est pour annuler un jour de siyam pour ne pas faire siyam, c'est le mukhalaf. Le siyam ou le safar, c'est si tu as un voyage à faire, tu le fais. Et dans ce cas-là, tu as le choix. Je fais siyam même là. Amma, organiser un voyage pour ne pas faire siyam, هذا سيان بروبليم دون نيي. كذلك من المخالفات تحرج الصائم من مواصلة صومه إذا احتلم ظنا منه أن الاحتلام يفسده. لا هذا كذلك يحصل الاحتلام. مثلا une personne il s'endormi في نهار رمضان ثم pour une raison il احتلم اي du sperme il est sorti, que ça soit pour l'homme ou pour la femme. بعض الناس الجهلة il se réveille, il s'est aperçu ce qui lui est arrivé, il pense que son siyam il est pas bon. Là, le siyam il est valide. Fiyad al-hal, tu fais le rous pour faire salat et ton siyam il a aucun problème. Hakada, celui qui mange ou qui boit sans faire exprès, c'est min hada al-bab. Fiyad al-hal, dès qu'il se rappelle, il s'arrête et il continue son siyam. Il n'a pas besoin de rattraper le jour. لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت الآن ce qui t'est interdit c'est de manger, d'avoir des rapports, de boire volontairement. أما si c'est involontaire فلا شيء عليك. كذلك اعتقاد فساد الصيام من أدركه الفجر وعليه غسل واجب. هذا كذلك. مثلا un homme il a eu des rapports avec sa femme avant le fajr. ثم pour des raisons il a pas eu le temps de faire le rousse et l'adhan, le mu'adhin il fait l'adhan, khalas, al-fajr il est rentré. Ou un autre exemple, il a eu des rapports, il s'est endormi, il se réveille après le fajr. Fajr c'est à 5h du matin maintenant, il s'est manqué ce jour-là, il se réveille à 6h, à 7h. Dès qu'il se réveille, il est en état de janab. Il y a des hasses, son siyam il est valide. Il fait le rousse, il fait le salat, et là, il est annahu, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est arrivé après l'adhan, il était en état janab. Il faisait le ghusl, il faisait salat fajr, et le siyam il est valide. كذلك من المخالفات حصول القلق عند الشخص في صحة صيامه إذا أكل أو شرب ناسيا. Ce قلق il n'a pas lieu d'être. بعض الناس il se trompe, il boit sans faire exprès, il a oublié. Certains ça arrive les premiers jours. بعض الناس ils n'ont pas l'habitude de faire siyam les premiers jours. Tellement qu'il n'a pas l'habitude, ربما il boit sans faire exprès. في هذا الحال il a un قلق. Il a une gêne dans son cœur. كأنه il a fait quelque chose de mal. ما في شيء عليه. Quand tu te rappelles t'arrêtes et ton siyam il a aucun naqs, il a aucun manque. بعض الناس tellement qu'il regrette il rattrape le jour. Là, ceux qui rattrapent c'est ceux qui ont manqué volontairement. Anta tu ne fais pas partie de هؤلاء. كذلك من المخالفات تكلف أصحاب الأعذار الصوم مع أنه يشق عليهم. Ça c'est arrivé. Tu trouves un musulman parmi les musulmans, ربما il est malade, ou il est en voyage, ou il a atteint un âge avancé. Faire siyam, ça lui fait du mal. Il fait partie des personnes excusées, comme on l'avait expliqué dans les dourous. Tu le trouves, il s'impose, il fait siyam. Et il se fait du mal. ربما ça empire sa maladie. ربما le voyage, ça lui cause des problèmes dans le voyage. Ça le retarde. Il est faible, il ne peut plus conduire, il ne peut plus. Ou les personnes qui ont un âge avancé, ça leur fait du mal. Et هذا الحال là. هذا الدين, il est basé sur الرحمه. Le prophète sallam, il a informé إن هذا الدين يسر. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghafour, c'est le rahim. Enfin, la personne, il ne s'impose pas à mettre هذا. Tu ne peux pas. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك, ça c'est fondé sur l'ignorance. Ça c'est fondé sur l'ignorance. فبعض الناس, ils s'imposent des choses qu'ils ne peuvent pas. كذلك من المخالفات إظهار بعض أهل الأعذار. أهل الأعذار c'est les personnes qui ont une excuse, le malade, le voyageur. كالمسافر أو المريض أو الحائض فطره أمام من لا يعرف حاله وعذره. ربما t'es dans une ville, t'es voyageur ou t'es malade, les personnes ils savent pas que t'es malade. ربما la personne il mange devant eux, il boit, حقيقة ça va lui causer un dé. Tu vas trouver des personnes, ils vont venir, ils n'ont pas de hikma, ils vont lui dire taqillah, pourquoi tu ne fais pas le siyam. Rubbama ba'dannas, ils vont l'accuser de ne pas faire le siyam. Al-ahsan, celui qui a un udr, s'il peut, il est malade, il mange chez lui. Tu n'as pas besoin de manger dans la rue devant tout le monde. Si tu es en voyage, tu peux trouver un endroit pour manger. Ça c'est pour préserver ton honneur. Rubbama, les gens à force de te faire nasiha, tu ne patientes pas et tu t'énerves. Ahsan, la personne, il ferme le bab au début. S'il est malade, mange chez toi. Si tu es en voyage, tu peux trouver un endroit où personne ne te voit. Ahsan. On reste à min hada. Anna al-ikhwan, s'il voit un musulman manger dans la rue, ou il boit, ou tu t'aperçois qu'il ne fait pas le siyam, ne te précipite pas, fais l'inka. Rubbama, elle est une excuse. Enfin, si tu veux conseiller, il y en a dans ce cas-là, en fait, quand tu te retrouves, tu dois conseiller. Il y en a, Rubbama, il mange. Et c'est un fasiq, il ne veut pas faire siyam, tu dois le conseiller, tu lui montres l'importance de siyam. Ah, ou tu peux te retrouver dans un autre cas, c'est une personne, il a bu, il oublie. En fait, c'est un sa'im, il n'est pas voyageur, il n'est pas malade. Dans ce cas-là, tu viens avec hikm. Matalan, au départ, salam alaykoum ya akhi, est-ce que tu fais le jeûne aujourd'hui? Si il te dit na'am, na'am, je fais le jeûne, tu lui dis ya akhi, tu viens de boire. Enfin, tu t'es aperçu qu'il a oublié, tu l'as dit, il va dire ça que là. Si tu viens avec ce tariqa, ya akhi, est-ce qu'aujourd'hui tu fais as-siyam? Rubbama il te dit directement non. Non, je suis voyageur. Non, je suis malade. Tu lui dis, a'anakallah. Amma tu viens, mubashara bil inkar, taqillah, pourquoi tu fais pas as-siyam? Il va te répondre, je suis voyageur. Qu'est-ce que tu vas faire? Al-an, c'est toi qui as besoin d'une nasiha. Tu as besoin d'une nasiha, rifq, wa hikma, wa tu parles bi'ilm. Kadhalik min al-mukhalafat, iltizam as-samt mutlaqan waqt as-siyam. Il fait as-siyam, il parle plus. Non. Tu fais attention à faire le siyam, de peser tes mots. La personne il s'écarte de l'ghaïba, le namima, des insultes. Et tout ça, il s'écarte, hatta en dehors de Ramadan. Lakin fait Ramadan, c'est achad. C'est comme le hajj. Amma se taire, sans aucune raison, là, ça c'est mieux. Ça, tu peux tomber sur le bid'a si tu penses que c'est mieux. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le siyam et il parlait. Al-Amr bil ma'ruf, al-Nasiha, kalam mubah. La personne, il parle avec sa femme, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis. Il m'a fiché. L'essentiel, c'est pas toute la journée. Il donne un temps au Coran. Il donne un temps l'ilm. Il donne un temps à nasiha, l'amr bil ma'ruf, wa nahy'an munkar. Et s'il parle kalam mubah de temps en temps, il m'a fiché. Min al-mukhalafat kadhalik, al-fitru fi ramadan bi hujjat al-a'mal al-shaqqa. Wa hadha yahsul fi ayyam al-sayf. Matalan, nahnu cette année, ramadan, c'est fi al-sayf. Dans certains pays, comme la France, maintenant, l'iftar, il est mutaakhir jiddan. Alors, celui qui travaille du matin jusqu'au soir, ça y est, tab. Mais dans ce cas-là, akhil karim, il y a une solution. Tu n'es pas obligé de délaisser Ramadan. Ramadan, tu le délaisses illa bi'udr. Et en fait, l'amal, ce n'est pas un udr. Tu peux prendre tes congés. Tu peux arrêter de travailler. Alors, on conseille les frères. Ceux qui travaillent, ils prennent leurs vacances via le chat. Et mais yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Fi bilad al-muslimin, c'est plus facile, c'est plus facilité. La haqiqa fi bilad al-muslimin, ils s'adaptent. Quand c'est trop long, ils prennent tous leurs vacances ou ils ont des facilités, ils avancent les horaires. Amma fi bilad al-kufr la yubalu. C'est ça, ils m'ont pas pour eux, ça leur change rien. Enfin, anta tu t'imposes. Anta t'imposes ton din. Le hajj, c'est le hajj, tu fais le hajj. فتعجب بعض الناس son patron ne veut pas qu'il fait le hajj, il ne fait pas le hajj. Son patron, rubbama, c'est un kafir, c'est un mujrim. Il n'a aucun haq, il y a ça. Tu fais ton hajj. Il accepte pas Ardullah wasi'a. Il n'y a pas que ce travail. Ce n'est pas lui qui donne. C'est un abd. Si c'est un kafir, il est mabghoud indallah. Comment tu vas l'écouter? La ta'a li makhlouq fi ma'siyat al-khaliq, قال النبي عليه الصلاة والسلام. Le gouverneur, on ne l'obéit pas dans une mukhalafa. Tes parents, tu ne leur obéis pas. Comment tu vas obéir à un najis, à un mushrik? هكذا الصيام الصيام c'est le صيام. La personne هذه الدنيا doit faire des sacrifices ya jamaa. كذلك من المخالفات الكف عن المحرمات نهارا ومزاولتها ليلا. هذه c'est من المصائب صحيح. بعض الناس la journée il fait pas de مخالفات ou il s'écarte de certains محرم مثلا il s'écarte de zina la journée. Siyam Ramadan, tu t'abstiens de certaines choses du Fajr au Maghrib. Amma al-Haram, c'est toujours Ramadan et Ghayr Ramadan. Ba'd al-Nas, la première chose qu'il fait après Adhan al-Maghrib, c'est il fume. Et à أخي لا سيجارت سنتغذي في النهار وفي الليل. كذلك من المخالفات إسلا دغنيا في هذا الباب الوقوع في الغيبة صار لا سيتي في مسألة الصمت والنميمة والفاحش من القول إلى آخره. بعض الناس صحيح toute la journée de Ramadan il est dans des choses qui l'occupent. بعضهم ils sont occupés par le sport, بعضهم ils sont occupés par le kalam, بعضهم ربما il a pas lu une lettre du Coran في النهار. هذا لا ينبغي. هذا الشهر يا أخي c'est pas que الشهر tu manges pas et tu bois pas. لا. بعض الناس ربما ils mangent pas et boivent pas pour une raison médicale. لا. Le fait de s'abstenir c'est une ibadah. C'est une ibadah. Enfin, tu t'abstiens de certaines choses et tu fais des efforts dans certaines choses. Khassatan al-Qur'an. La personne, il fait des efforts, il lit. Et tu essaies d'appliquer autant que tu peux. Thumma, il a cité un fasl. C'est des mukhalafat fil iftar. La première mukhalafa qu'il a cité, al-fitr qabla tahakkuk min ghurubi shams. On a cité tout à l'heure le fait de repousser. Kadhalik, la personne, il ne fait pas du ghulou. Et il mange alors qu'il n'est pas sûr que le soleil s'est couché. Là. وهنا ننبه أن la personne il fait attention au calendrier. Il y a des calendriers, en réalité, ils sont plus proches que d'autres. Ils sont plus précis. لكن مع هذا, si il peut de temps en temps غروب الشمس حتى il connaît à peu près l'heure, فأحسن له. On dit de temps en temps, il y en a أحيانا, خاصة ceux qui habitent dans des villes, c'est dur d'observer le coucher du soleil. Il y a des bâtiments, il y a des tours. Lakin, celui qui peut au moins de temps en temps, hatta il compare les heures, tu verras ahyanan que le calendrier, c'est pas. Ahyanan, le calendrier retarde de 5 minutes. Les calendriers, c'est beaucoup basé sur l'ihtiyar. Que ce soit as-sahur, le matin, le fajr, ou le soir. Maintenant, le maghrib, en vrai, si tu regardes, al-ghurub, il est à 18h. Maintenant, nahnu, Yémen, il est à 18h30, 35, 40. Si tu vois les calendriers, souvent ils mettront 18h45. Enfin, si tu as observé le coucher du soleil et ça à 18h40, tu manges à 18h40. Tu n'es pas obligé d'attendre ces 5 minutes. كذلك من المخالفات إسراع سائق السيارات قبل غروب الشمس لإدراك الإفطار في بيوتهم. Ça, ça arrive beaucoup dans les pays musulmans. Bilal Kufr, les musulmans, ils sont en minorité, tu ne ressens pas ça beaucoup. Fais Bilal Muslimin, tu le ressens. Avant le Maghreb, dans les rues, il y a une précipitation agive. Khas, certains ceux qui ont une voiture ou des motos. Il y en a, ils se précipitent, ils doivent faire des courses, sa famille l'attend. Et à Akhi, as-sakin, vaut mieux arriver 5 minutes en retard, salib, que tu fais un accident et Rabbama, c'est la cause. Imma, tu meurs, imma, tu ne peux plus faire Ramadan. Tu te fais du mal et tu fais du mal à tes proches. As-sakin. La personne, il fait les courses avant. Il se prépare avant. Nous, on a une mauvaise habitude. Des fois, on laisse toujours la chose la dernière seconde, la dernière minute. Tellement on se précipite. Imma, tu fais mal la chose. Imma, tu fais du mal aux autres. من المخالفات الإفطار كذلك تأخير أذان المغرب عن وقته الشرعي بحجة الاحتياط في الصيام. On en a parlé في الصيام. مثلا le coucher, le soleil se couche chez nous à 18h40, واحد يفعل الاحتياط comme il fait le rawafid à 19h. حتى la nuit elle tombe, les étoiles ils mangent. صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر on avait lu son كلام dans les دروس qu'on avait fait Ramadan. من المخالفات كذلك تحري الدعاء عند الفطر خاصة. حقيقة هذه مسألة يا خلاف. بعض العلماء يزون حسن أو صحح الحديث. فالسلوي كي إلى إتجي المسألة يبنس كل حديث يزون صحيح أو حسن فلا بأس. أما نحن on voit que ces hadiths ils sont faibles. الشيخ بن حزام وفقه الله dans le livre qu'on a cité إتحاف الأنام il a cité cette مسألة et il a cité les علم أي les faiblesses de ces hadiths. En fait, celui qui choisit cet avis, il n'y a pas un dua spécial à dire عند l'Iftar. Baqiya, hadith Abi Huraira عند Ibn Majah, radiyallahu, hadith Abi Huraira, na'am, radiyallahu an, عند Ibn Majah, rahimahullah, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ثلاثة لا ترد دعوتهم. Trois catégories de personnes, Allah ne refuse pas leur dua. Il exauce. الإمام العادل le gouverneur juste والصائم حتى يفطر c'est ça le شاهد والثالث والمظلوم دعوة المظلوم celui qui est opprimé il fait dua Allah il lui exauce الشاهد هنا الصائم حتى يفطر الحقيقة si tu analyses le hadith الآن As-sa'im hatta yuftir. Ça commence du fajr jusqu'à l'iftar. Tu as toute la journée pour faire du'a. Du'a, il est accepté. Ce hadith, il te pousse à faire du'a plus. Après le tuhur, après l'asr, pendant les salawat, tu fais du'a, tu demandes à Allah Azza wa Jal, li'annaka tis-sa'im. Amma restreindre ce du'a pour l'iftar, fa'afihi nadar. Les hadiths sont faibles, wallahu ta'ala a'lam. Cheikh Mokbila rahimahullah, il a da'av plusieurs de ces hadiths. Kadhalik, il a sahah le dernier hadith, hadith Abi Huraira, qu'on a cité, fi al-jami' al-sahih. Min al-mukhalafat, kadhalik, al-du'a, wal-ta'min, al-jama'i, qabla l'iftar. Maintenant, ils se rassemblent pour manger ensemble, pour rompre le jeûne ensemble, et avant, ils font du'a tous ensemble. Et ils disent tous amin, amin. Ça, c'est min al-bid'a, wal-muhdathat. Min al المخالفات كذلك إغفال التسمية عند الفطر أصغير من شدة الجوع والعطش بعض الناس يزوب لي يدجغ بسم الله حديث ابن عباس سم الله وكل بيمينك من المخالفات كذلك الفطر على أشياء محرمة كالدخان السيجارات هذا من المخالفات من المخالفات كذلك الانشغال بالطعام عن الترديد مع المؤذن Ça, c'est ça, c'est le mukhalafat. Le plat il est posé, le mu'addin commence Allahu Akbar, la personne il mange et il oublie de répondre. Là, voilà où si tu manges, ça ne te sert pas. Tu peux manger et répondre avec le mu'addin. Il dit Allahu Akbar, tu manges et tu dis Allahu Akbar, m'a affiché. À ma délaissée, si tu délaisses pendant un mois, là, ça c'est le mukhalafat. Et ça arrive, ahyanan. Là, la personne il fait des efforts. كذلك من المخالفات عمل الولائم في المساجد بصورة تدعو إلى التباهي والتفاخر. Ça c'est pas من عمل السلف. Pendant un mois, tous les jours il y a un waliman au masjid. Tous les soirs au maghrib. Et des invitations, comme si c'était un mariage. Là, عمل السلف, ils mangeaient chez eux. Ils mangeaient, si ils veulent inviter les frères, ils les invitent chez eux. Au masjid, si un pauvre, on lui emmène à manger. Amma, c'est wala'im, c'est comme si c'était un mariage ou une aqiqa ou. Là, c'est pas min amal al-salaf. Et là, ça se fait surtout les 10 derniers jours, surtout ce qui pense être la nuit du destin, la nuit du 27. Kadhalik min al-mukhalafat, al-tabdir wal-israf, fi tawsi ala al-ahl, fi bab al-mat'am wal-mashrab. نعم مما يزيد على الحاجة ليس في الحقيقة المخالفة الحاصلة في رمضان ثم يرمى بالزائد في المزبلة بعض الناس رمضان تعلمون أن la personne veut faire plaisir à sa famille ربما ses enfants jeunes sa femme elle jeune lui jeune et t'as envie de te faire plaisir le soir لكن ce plaisir il doit pas dépasser les limites si vous êtes 5 faites de la nourriture pour 5 بعض الناس يريد faire plaisir ils sont 5 ils font de la nourriture pour 50 هذا الآن تتم في الإثم لأن si tu jettes tout le reste à la poubelle t'es إثم بعض الناس ils ont pas de quoi manger يا أخي بعض الناس في رمضان والله il sait pas ce qu'il va manger بعد الإفطار ربما فla personne يتقي الله et il se fait plaisir là bas il se fait plaisir dans la maintenant la viande dans les boissons dans la tant que c'est halal طيب لكن la quantité ينتبه ثم هذه مخالفات liées à صلاة التراويح المسلمون في الحقيقة sont motivés جدا pour التراويح tellement qu'ils sont motivés ربما واحد il fait pas صلاة toute l'année et il fait التراويح لكن cet amour il doit pas te pousser à faire des مخالفات من المخالفات مثلا إقامة صلاة التراويح بعد صلاة المغرب التراويح على وقت il est معلوم il est محدود النبي صلى الله عليه وسلم faisait صلاة التراويح la nuit après العشاء الوقت de التراويح c'est après العشاء jusqu'au فجر بعض الناس الآن ils font التراويح entre le maghrib et العشاء خاصة les pays comme la France où le maghrib il est tard enfin, العشاء il va être à 11h30 11h45 le temps de faire عشاء التراويح ça va commencer à minuit بعض الناس ils veulent pas faire de sacrifice حتى il y a des fatawas on a vu مع بعض الإخوان بعض الضلال ils ont fait des fatawas أنه يجوز de faire التراويح entre le maghrib et العشاء أبدا شيخ الإسلام il a montré أنه c'est من الانحراف ومن الضلال التراويح إلى une heure précise si tu peux pas ne le fais pas هذا بعض الناس ربما يشق عليه c'est trop tard ثم le lendemain il travaille il peut pas akhi, rentre chez toi, fais ce que tu peux. Je crois qu'on sait la raka'at tout seul. Et bi'idnillah ta'ala khir. On fait des mukhalafat parce qu'on ne peut pas là. Qui c'est qui t'a ordonné de faire tarawih? Tarawih, ce n'est pas obligatoire, aslan. Si tu peux, tu le fais à la sunnah. Si tu ne peux pas, bah, inshallah, t'es ma'adour. Amal'an, ceux qui font entre le maghreb et l'isha, s'ils savent la preuve et le revenu, ils sont athm. Ce tarawih, il n'est pas accepté. Il y a un tarawih, il a une heure précise. Tarawih, c'est après l'isha. Et ahsan, avant le fajr, celui qui peut. La dernière partie de la nuit, ahsan. كذلك من المخالفات شروع الإمام في صلاة التراويح قبل أداء ركعتي العشاء البعدية هذا صعيب كذلك certains imams ils se précipitent العشاء il est fini ils font l'adhkar ils se lèvent ils commencent التراويح لا il y a une sunna deux rak'a après العشاء chacun il les fait seul ثم dès que tout le monde a fini l'imam il se lève et on commence التراويح كذلك من المخالفات النداء لصلاة التراويح صحيح dans certaines mosquées ils appellent الصلاة جامعة هذا سمين المحدثة à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il ne le faisait pas ni à l'époque du sahaba فهذا يترك صلاة التراويح les personnes au début du mois ils sont informés de l'heure maintenant si dans ta mosquée c'est directement après l'Isha au début du mois l'imam il informe Inch'Allah on va commencer صلاة التراويح après l'Isha ils n'ont plus besoin d'adhan tous les jours après l'Isha ils viennent ou si c'est la dernière partie de la nuit ils les informent وهكذا من المخالفات كذلك التقيد بعدد معين لصلاة التراويح خلاف ما ثبت في السنة c'est une مسألة خلافية فالسوء qui prennent l'avis et c'est le plus juste wallahu ta'ala a'lam l'avis de l'imam al-albani rahimahullah anna salat tarawih c'est 11 rak'a pas plus 13 rak'a avec les 2 rak'a avant fa hadha c'est le qawl sahih fa dépasser la yambari c'est le mukhalafa lakin ya khilaf bayn ahl al-'ilm fa celui qui prend l'avis des autres imams qu'ils ont basé salat tarawih sur le hadith du prophète sallam salatul layl matna matna ay c'est 2 2 2 il fait tant qu'il peut, pas la base. هذه المسائل يا جماعة والخلاف الشديد بين أهل العلم y a pas d'inkar. Je peux pas dire au frère qui fait ça un mubtadi' ou c'est un égaré ou c'est là. Si il y a une munaqasha ilmiya bi hudu et tu lui montres ton avis, maintenant tu détailles l'avis de Cheikh Al-Albani, il y en a 11 rak'a on dépasse pas bi ilm wa bi hudu, طيب. Et lui te détaille son avis. Thomas, vous prenez l'avis qui est le plus proche du haq. Hada tayyib. Amma si lui reste sur son avis et toi sur ton avis, ça ne doit pas vous diviser. Abadan. Abadan. Lui fait matalan 20 rak'a, toi t'en fais 11. Et on reste des frères. Lana c'est masa'il l'ulama, talafou. C'est des masa'il l'khilaf, il est chadid fiha. Kadhalik min al-mukhalafat, taqsir salat al-tarawih. On raccourcit salat al-tarawih. Pour satisfaire fulana ou fulana. Hatta. On ne peut plus faire du'a correctement, on ne peut plus tasbih, la récitation, là, ça devient trop court. Hada la yamba. Salat al-tarawih, al-haqiqa, ça dépendra des masajid. Matalan, nous, à Dammat, walillahi alhamd, c'est un masjid, il est fondé sur sunnah, et il est à la sunnah, et la plupart de ceux qui font salat, c'est des jeunes. Il y a quelques personnes âgées. Et les personnes qui font salat, c'est des talabat al-ilm, ils connaissent le sunnah. Même si ça le fatigue, il va s'asseoir ou il va partir. On fait long. Maintenant, à Dammaj, salat al-tarawih, elle est très longue. Khassata les 10 derniers jours. Lakin, ma'ahada, il y a des autres masjid. Maintenant, on a un masjid à côté, ils font beaucoup moins long. Celui qui ne peut pas au marquez, il fait dans l'autre masjid. Alhamdulillah, tout le monde a son compte. Amma, t'es dans une ville, il n'y a qu'un masjid de sunnah, il y a des vieux, il y a des malades, il y a des personnes, c'est pas de talabat al-ilm, il y a des awam. Ça ne veut pas dire que tu khaffaf 10 minutes, c'est fini. Là. Ça veut dire, si tu l'es un hizb, un juz, toute la nuit, là, ça reste très fini. Lakin, 5 juz, comme on fait nous, les dernières 10 nuits, 10 juz, rubbama, 20 hizb, une nuit, hada ya shuq ala kathir min al-nas. Il a de la hikma, l'imam. Il regarde l'état de la mosquée, ceux qui brillent derrière lui, et bien il s'adapte sans exagérer et sans raccourcir. Hatta la personne, il ne peut plus faire dua, plus faire al-athkar. Là, entre les deux, wa sallallahu lil jami'i at-tawfiq. Kadhalik min al-mukhalafat anna ba'd an-nas, entre les raka'at at-tarawih, ils font, imma, ils récitent le Coran en groupe, imma y'a une muhadara, imma. Il y a un mufti dans des fatawa. Ah, c'est min al-mukhalafat. التراويح elle a été appelée cette salat التراويح ça vient de raha al-istiraha التراويح et les sahaba ils faisaient deux et ils se reposaient à leur époque c'était long et ils faisaient deux et ils se reposaient et cette pause il n'y a pas besoin d'inventer des choses toutes maintenant dans certaines messageries toutes les pauses viennent muhadhar من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كذلك دي فتاوى كذلك لا cette pause tu prends le temps si tu dois aller faire l'eau d'eau si tu as besoin de boire tu te reposes tu lis le Coran tu fais des adhkar tu fais des du'a أما inventer des choses là كذلك من المخالفات جلوس بعد المصلين الكسالى في صلاة التراويح في مؤخرة المسجد فإذا ركع الإمام أو شعروا أنه سيركع جاءوا مسرعين فدخلوا معه صلبوا أحيانا حتى في وسط طلبة العلم ليس نقص واحد يلوفون لم يمجد لفخار في الصلاة dès qu'il sent que l'imam il sait que l'imam il va s'arrêter maintenant il court ça fait du bruit هذا لا يصلح La personne, il fait ce qu'il peut. À m'attendre à chaque fois que l'imam fait le recours. Et à Hianan, ils sont 10, 20 à faire ça, t'entends un bruit. Et ça fait du izaj. Adalaïn Bari Salaf, il ne faisait pas. Rentre au début, si tu es fatigué, assieds-toi. Ou al-mushkil al-okhra. C'est que ces personnes qui restent au fond de la mosquée, du masjid, ils font du bruit. Ça arrive dans beaucoup de masajid. Et ça fait du mal. Al-awam, ils n'acceptent pas. Tu trouves des jeunes, ils sont au fond du masjid, ils viennent. Allah Alam, des fois tu te demandes pourquoi ils viennent. Ils viennent au fond du masjid et ils parlent. Et les nas, ils font taraoui. Comment ça fait de la division? Là, si tu viens au masjid, tu fais taraoui. Tu ne peux pas faire taraoui, rentre chez toi. Ou si tu veux rester au masjid, tu prends un mushaf et tu récites. كذلك un autre problème il se pose احيانا c'est que les frères qui choisissent la vie de 11 rak'a si l'imam il fait 20 rak'a au bout de 11 ils sortent eux au bout de 10 et après ils font le 8 وعدهم ils vont au fond du masjid ça arrive beaucoup في الحرم المكي والمدني ils vont au fond et ils parlent et ça déconcentre les autres là si tu veux rester au masjid tu prends un mushaf ou t'écoutes la récitation de l'imam t'écoutes tu t'assois et t'écoutes t'as pas besoin de et si tu parles tu parles tout doucement حتى تدرج بعض الزوت كذلك من المخالفات في التراويح هجر الشخص المسجد أو هجر الشخص لمسجد حيه لا لأنه تقام فيه البدع وإنما تتبعا لأصحاب الأصوات الحسنة هذا كذلك سمنتشر تتخوف مثلا أفخار إلى المسجد وصاري المسجد طيبة يفد بدع وما سنمسجد عوام Même s'ils font des mokhalafat, on les conseille. Ah, ou c'est une mosquée de frères de l'Ahl-Sunna. Lakin, Rubbama, l'imam, il n'a pas une voix comme un autre. Tu trouves des frères, ils voyagent. Ça, ce n'était pas à l'époque des salafs. Hatta nous, ici. Un jour, on a. Et il veut tester les voix. Là. C'est pas l'Ahl-Sunna. Sunna, c'est que chacun va au masjid de son quartier. Anta matalan ici, tu choisis le masjid plus proche. Tu as l'habitude de venir au Marquez, tu viens au Marquez. De temps en temps, si tu pries dans une mosquée là, laquelle va d'un nas, il laisse le masjid de sa rue, il fait Rubbama 30 km. Il y en a, Foulan, il a une belle voix, il va réciter. Là, c'est pas manhaj al-salaf. Si on vient à étudier la biographie des salaf, il ne faisait pas ça. Matalan, il délaisse cette mosquée, ils font 50 km parce que Foulan, il a une belle voix. Tu ne trouveras pas à Abedan. Bien en fait, ce n'est pas la voix. En fait, celui qui a l'ikhlas, qui comprend et il médite, enfin, la voix, en fait, la chèque, c'est bien de réciter derrière un imam qui a une belle voix, ça fait plaisir. Mais si il récite avec les règles, il récite convenablement, enfin, tu as d'abord fait le Coran. En fait, tu médites, Inch'Allah, c'est ce qui t'est demandé. En fait. La dernière mukhalafa qu'on peut citer, c'est l'Iqama Salat Tarawih Ba'd Tubut Hilal Shawwal. Ça arrive. Hein. Tarawih, il commence la nuit. Maintenant, nous, par Ramadan, si aujourd'hui on a fait Tarawih hier, il y en a les jours, ça commence le premier de Ramadan, il commence la nuit, il ne commence pas la journée. Shawwal, ça va être la même chose. Maintenant, le dernier jour de Ramadan, on dit c'est un jeudi. Dernier jour. Ghurub al-Shams, on a fini Ramadan. On ne fait pas Tarawih. Il y en a, on est rentré dans Shawwal. Ba'd al-Juhal, ils font Tarawih cette nuit. Là, tu n'es plus dans Ramadan. Ça, c'est muhim. كذلك من المخالفات on cite des مخالفات في القنوت الأولى la première مخالفة إطالة دعاء القنوت القنوت قنوت الوتر على فن التراويح بعد الأئمة il prolonge ربما ça devient plus long que les rakaat هذه c'est une مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم il récitait le dua al-mashhour fil qunut, il était court. Allahumma hdina fi man hadayt. C'est 2 minutes, 3 minutes, chaque fois. Kadalik, on récite ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Ba'd an-nas fi du'a al-qunut. Kadalik min al-mukhalafa talhin al-qunut wa tajwiduhu wa at-taghanni bihi kal-Qur'an. Il récite le qunut comme il récite le Coran. Il embellit sa voix. Là. Du'a al-qunut, tu la récites normalement. Allahumma hdina fi man hadayt. Et tu finis. Wa'afina fi man 'afayt. T'as pas besoin de réciter, mais la récitation elle est spécifique au Coran. Wa'rattil al-Qur'an tartila. Hadha c'est min al-mukhalafat, fal-a'imma yantabihun. Kadhalik min al-mukhalafat mash al-wajh. Bal rubbama ba'dhum c'est le badan, son corps après le du'a. Maintenant on lève les mains et à la fin ba'd al-juhal il essuie son visage et son corps là. Tu lèves les mains dès que l'imam il a fini, tu baisses les mains et tu fais sujoud. Min al-mukhalafat kadhalik. Des mukhalafat liées à Laylat al-Qadr. بعض الناس يفون الصلاة كذا بالصلاة القدر على أكن أصل في السنة. فليلة القدر أنفى صلاة التراويح. الحقيقة، le nombre ne change pas. Pour ceux qui prennent l'avis que ça se limite à 11, on ne change pas le nombre. لكن les 10 dernières nuits, là bas on rallonge. Les nuits impaires on rallonge encore plus et on reste sur 11. Au lieu de lire un juz, on en lit 2, on en lit 3, on en lit 4, on en lit 5. Par rapport à la force de ce qui est la capacité de l'imam et de ceux qui sont derrière lui. Amma inventer une salat là, salat al-qadr, il n'y a aucun asl. كذلك من المخالفات اعتقاد ان ليله القدر ليله 27. On avait expliqué dans les durus qu'on a fait ان الصحيح ان la nuit du destin ليله القدر تنتقل. Elle se déplace dans les 10 dernières nuits et le plus souvent dans les impairs et le plus souvent la 27. Amma al-aqida anna c'est toujours le 27 et on fait plus d'efforts que le 27. Hada fi nadar. كذلك من المخالفات تخصيص ليلة القدر أو 27 pour certains بعمرة. Ceux qui sont في مكة كثير من العوام حتى ça provoque des embouteillages, la bousculade. أن le 27 il doit faire une عمرة. هذا c'est من المخالفات. النبي صلى الله عليه وسلم ils ont fait العمرة. Sahaba, ils ont fait l'umrah fi Ramadan et ils n'ont pas spécifié l'umrah la nuit du 27. Elle m'a spécifié, tous les jours. C'est le mukhalafa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas l'umrah tous les jours. Le 27, Rubama, il fait 3 umrah, 2 umrah par jour. Il va à Tan'im, il sort le miqat, il revient. Ah, c'est pas min madhhab al-salaf. Min al-mukhalafat kadhalik, iqamatu l'ihtivalat fi laylat al-qadr. On l'a cité fi al-iftar. بعض الناس la nuit du 27 ils emmènent tous un repas à la mosquée. C'est min al-muhtathat wal bid'ah. Ou le 25 ou بعض الناس les 10 dernières nuits là. Haqiqa les 10 dernières nuits on fait des efforts fi qira'at al-Qur'an, fi salat, fi du'a. بعض الناس le 27 ils emmènent un repas, ils commencent à minuit, ils mangent, ils parlent, ils boivent jusqu'à l'adhan. Ils veulent se lever pour faire salat, ils peuvent plus, ils ont trop mangé. C'est min al-mukhalafat. Tu manges au Maghreb comme d'habitude et tu vas et tu fais salat. Toi tu manges sahur. On finit بمخالفات تتعلق بالنساء spécifique aux femmes. من المخالفات تأخير المرأة عن السؤال فيما يشكل عليها في باب الدماء. تعلمون أن la femme elle a tout ce qui est rapport avec les règles, les menstrues. Enfin, tu trouves عند النساء elle attend le dernier jour ربما elle a ses règles ou elle a autre chose et elle ne sait plus quoi faire. Chacun il apprend son petit. Tu n'es pas obligé d'attendre le dernier jour. Bab al-Dima il n'est pas simple. Farahatan il n'est pas simple. Tout ce qui est règles menstrues, nifas après l'accouchement, ça il y a des règles précises. Et les ulama ils ont simplifié. Il faut faire des efforts. Amma attendre le dernier jour là. Et tout ça, ça va impliquer beaucoup de mukhalafat. Minha, sans ba'd al-banat, hal haydha, imma jahlan ou khawfan ou min bab al-haya. Khajalan, sahih. Tu trouves des filles, des jeunes filles, elles ne sont pas encore mariées, Rubama. Elles ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, elles ont leurs règles. Lakin bab al-haya, c'est un haya madmoum. Elles font quand même un siya. Et elles disent à personne. Hadi, c'est une mukhalafa. Elle a la honte, elle est timide, elle n'ose pas. Si elle ne fait pas siya, ça veut dire qu'elle a ses règles et elle n'ose pas, elle est encore jeune. Hadaf al-haqiqa, la yinda. Le père fait hadal hal, il doit être attentif. Il doit être attentif et il parle à sa fille. Et il lui montre. Il lui montre, même s'il ne parle pas avec elle directement, il lui montre cette masala, elle va se sentir concernée, elle va comprendre. Amma faire siyam en état de règle, là, il joue, c'est haram. Il y a des jeunes filles, elles ne savent pas, c'est des jahilat, ce genre de catégorie de personnes, les jeunes, les vieux, il faut leur apprendre. Mais la mukhalafat, كذلك, بعد النساء تجوع نفسها في حال حيضها ظنا منها ان لهذا فضلا. Elle a ses règles, elle ne fait pas siyam, mais elle ne mange pas. Yani pour participer. Là, si la femme elle est en état de haïd, au univers, elle mange et elle boit. Et elle rattrape le jour. Elle n'a pas besoin de se forcer à se faire du mal ou là. Tu fais pas siyam, tu fais pas siyam. C'est comme le voyageur. Il ne fait pas siyam, il mange, il boit comme il veut. Certaines femmes, kadhalik, elles font le siyam et elles le rattrapent. Elle sait qu'elle ne doit pas le faire en temps de haïd, mais elle le fait, elle veut participer. Thumma, elle le rattrape. La femme en état de règle, elle ne doit pas faire siyam bil ijma'. Ijma' l'ulama, elle ne fait pas siyam. Elle mange et elle rattrape. هذا ما يتعلق بالنساء. كذلك المخالفة importante هنا أن بعض النساء تستعمل حبوب منع الحيض. البيلول. هذا لا ينصح به. Ça c'est, il y a des effets néfastes pour la femme. Elle prend des pilules pour ne pas avoir ses règles pendant Ramadan. Comme ça, elle fait Ramadan avec tout le monde. الأفضل, la femme elle s'écarte de هذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Les femmes de Sahaba, elles avaient leurs règles, elles faisaient pas siyam, mais elles le rattrapaient. Allah ne t'impose pas hada. Ça c'est une forme, tu t'imposes une chose qu'Allah ne t'a pas imposée. La personne elle laisse les choses naturellement. Dérégler le haïd, c'est pas bon pour la femme. Cette pilule elle dérègle. Tu devais avoir tes règles tel jour, elle ne les a plus. C'est pas bon. Hada ma yata'allaq bi shu'un an-nisa. كذلك il a cité beaucoup de mukhalafat fi بعض الناس ils perdent leur temps dans les cafés, dans internet. Internet il y a du khayr dès que c'est limité au khayr. Amma toute la journée un siyam il est sur internet, il passe de forum en forum, de là. Si tu vas sur internet, profite, prends un cours, écoute. Ou tilawat Qur'an tayyib, un récitateur, t'écoute. Et كذلك un tas tu récites le Qur'an. T'aides tes parents, Obama ils ont besoin d'aide. Ah là, pas toute la journée devant l'écran, là. بعض الناس والعياذ بالله دي شوز حرام لا تيلي الدغني باب مخالفات عيد الفطر وزكاة الفطر. أما العيد فمن المخالفات الخروج إلى المصلى يوم العيد يوم عيد الفطر من غير أن يأكل أي الشخص تمرا صحيح لا بيرسون سي سنة أن لو بروميي جور دو شوال لو جور دو عيد après le Fajr, avant de se rendre au Moussala, il mange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait des dattes. Elle n'a rien mangé, c'est comme si tu étais sa'im. Il y a la niya, tu n'as pas la niya à laquelle l'afdal c'est de tatbiq hadith sunnah. كذلك من المخالفات التشدد والتكلف في الصيام الست من شوال بعد يوم العيد مباشرة مع الإنكار أو الانتقاد على من لا يباشر الصوم كأنه واجب. فصي مخالفة. بعض الناس قبل العيد le premier de شوال c'est العيد le deuxième de شوال des personnes ils sont motivées ils commencent les 6 de شوال et c'est أفضل c'est mieux comme on l'a expliqué dans les دروس. ربما tu tombes malade, ربما tu voyages, tu n'as plus le temps de les faire. Le mieux c'est de les faire directement. لكن بعض الناس il les fait les 6 jours et ربما un frère il ne les fait pas et il le conseille comme s'il avait fait un haram. Là, si tu veux le motiver, motive-le bi rifq, bi hikma. Amma tu lui parles comme si il avait manqué des jours de Ramadan, le wajib. Là, ça c'est pas min al-hikma. Et c'est une nasiha qui n'est pas fondée sur l'ilm. لأن les 6 de Shawwal, aslan s'il ne veut pas les faire, il ne le fait pas. Si tu veux le motiver, motive-le. Amma lui imposer, lui parler comme s'il avait fait un haram. Là, mukhalafat زكاة الفطر من المخالفات إخراج زكاة الفطر نقودا لا طعاما. C'est un sujet on l'a expliqué en détail dans les دروس. Aïe sortir زكاة الفطر en argent, pas sous forme de nourriture. النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré أن cette زكاة c'est sous forme de nourriture. من المخالفات كذلك تساهل في أمر زكاة الفطر. Aïe من حيث الوقت. ربما il est غافل et il a pas sorti la زكاة que après الصلاة العيد. Dans ce cas, c'est plus zakat al-fitr. C'est une sadaqa parmi les sadaqat. Enfin, la personne, il fait attention, il se prépare. Se prépare avant. Si tu sais que le matin, tu auras du mal, avant salat al-Eid, sors la veille. On avait expliqué tout ça en détail dans les deux roses. كذلك من المخالفات أن بعض الناس ils envoient zakat al-fitr à un autre pays, alors que dans sa rue, il y a des gens qui ont besoin. Zakat al-Fitr, tu donnes aux gens les plus proches. Si dans ta ville, il n'y a personne, enfin, tu regardes un autre endroit, un autre pays. Amma, il y a des gens qui sont en besoin dans ta ville, dans ton quartier, dans ton masjid, enfin, ils sont awla. Fi hada al-hal, la yanbaghi irsaluha ila al-kharij. Hada alladhi aradna al-murur ala hadhihi al-mukhalafat hatta tujtanab. Wa nas'alu Allah azza wa jal an yuwaffiqana wa yuthabbitana ala al-haq hatta nalqah. Inch'Allah, c'est le dernier dars. Et on reprend bi'idnillah les durous après le 6 de Shawwal. On continuera sharh al-aqidah al-tahawiyya li Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah. Et bi'idnillah quand on pourra des kalimat. Nassallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq li jami'. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.